hypnosinistes et vous ne savez qui appeler, je connais quelqu'un pour vous. ProNet, communément appelé Gus, de vrais professionnels qui sauront répondre à vos attentes. Pour tout nettoyage ou nettoyage après sinistre, contactez le 679-4178. Régent Côté et toute son équipe remercie sa clientèle et vous souhaite de très joyeuses fêtes. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Monsieur Jacqueline Doucet, planificateur financier, conseiller en sécurité financière, ainsi que toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet, vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour nous rejoindre, contactez le 418-276-6170. Que votre Noël s'illumine de moments de rire, de bonheur et de partage. Et que l'année qui vient en soit tout autant remplie. Joyeux Noël et bonne année à la clientèle du restaurant Midas, de la part du personnel et de la direction. Restaurant Midas, au 1084 route 169 Saint-Félicien, au 418-679-0900. Les patinages de vitesse sur courte-piste, on parle beaucoup avec Marianne, on parle avec les gens également de patinage de vitesse de la Fédération québécoise de patinage de vitesse pour faire connaître un peu les performances de Cassandra, de Marianne et ainsi de suite. Mais là, on va parler avec une patineuse, en tout cas, que j'ai pas perdu espoir, c'est Catherine Mayou qu'on rejoint à Lévis en pleine compétition. Salut Catherine! Allô, Catherine, effectivement, comment ça va depuis le début avec toi, depuis le début de la saison? Mais depuis le début de la saison, ça va quand même très, très bien. J'ai passé l'été à vraiment travailler ma technique avec un nouvel entraîneur, Annie Sarah, de Pointe-aux-Trembles. OK. J'ai vraiment passé l'été à ne travailler que ma technique. Je trouvais que c'est quelque chose qui me manquait. Et ça me manquait. Là. Je faisais pas juste ça me manquait vraiment. Donc voilà, j'ai travaillé pour vraiment peaufiner le côté technique. Même encore aujourd'hui, je travaille pour. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ta technique? On travaille sur des aspects en particulier, comme vraiment un point technique à la fois. On a fait beaucoup de tours à basse intensité. Okay. Beaucoup de tours, mais pas longtemps. T'sais. Bon, mettons, on travaillait par batch de 4 ou 5 tours. On arrêtait vraiment pour que chaque tour, optimiser chaque tour, à 100%, qu'on soit à 100% focusé sur le point technique, vraiment techniquement, donc pour qu'on soit vraiment pas déconcentré par la fatigue qui s'accumule dans les jambes. Ouais. On a tendance à relâcher, à placer le focus à un autre endroit. Mais là, vraiment, pour garder le focus sur la technique, on faisait ça beaucoup longtemps, mais beaucoup de séries, mais vraiment moins. Et ça a donné des résultats en compétition jusqu'à maintenant? Vraiment beaucoup. Oui, on a travaillé. J'ai pas fait beaucoup de volume, de cardio, de vitesse de pointe jusqu'à maintenant. Mais vraiment, en compétition, le fait d'être plus efficace dans ma poussée, d'avoir un meilleur aérodynamique, je suis pas inquiète de quand je vais vraiment faire du volume. La technique est pas parfaite encore, donc on continue à travailler de ce côté-là. Okay. Parce qu'il faut dire que ça n'a pas été une année facile pour toi. Tu as eu, pour les gens qui ne le savent pas, tu as été expulsé un petit peu du centre national. Tu as parti à 14 ans, loin un petit peu des parents, puis ton but c'était vraiment de progresser. Puis finalement, ça n'a pas viré nécessairement comme tel à Montréal. C'est à cause des temps que c'est ce qui est arrivé. Hein? Oui, ben c'est ça. J'ai pas eu des temps extraordinaires. Mon classement non plus n'était pas fameux l'année passée. Ça a été j'ai fait beaucoup de longues pistes, puis de courses à pistes. Avec l'école, ça a été à gérer. On a eu un manque d'organisation. Okay. De ce côté-là, ça a été difficile. J'étais malade aussi beaucoup l'hiver passé, donc ça a affecté tout aussi mon système immunitaire, si je veux dire. Mais c'est mal pour un bien parce que maintenant je fais de la technique, je m'améliore tous les aspects qui me manquent. Enfin, je suis une athlète beaucoup plus complète. OK. Catherine, est-ce que le fait d'avoir fait du long piste, du courte piste, tu sais, c'est le fun à un moment donné, mais à un moment donné, j'imagine qu'il y a un choix à faire. Est-ce que là, tu es rendu là? Bien, je suis pas rendue là, dans le sens que cette année, je fais beaucoup moins de longue piste. J'ai laissé un peu le long piste cette année pour vraiment me concentrer sur ma technique. Vraiment, pour que, parce que c'est complémentaire, dans le fond, sur cette piste et longue piste. Fait, tant que ma technique va être comme au point, ben là, en longue piste, ça va aller beaucoup mieux aussi. Donc, c'est pas ça que je suis à l'autre. Je pense que pour le moment, ni pour l'année prochaine, je pense pas que le choix est définitif. Je pense qu'il y a tout moyen de combiner les horaires. Si on parlait maintenant de ta prochaine saison, à quoi ça s'en est? La prochaine saison. Ça s'en est pour une saison... Je dirais pas comme l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était vraiment négatif. J'étais pas prête, j'étais pas dans l'esprit de compétition, j'étais pas physiquement là et mentalement. Cette année, c'est différent. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait beaucoup de vitesse de pointe, j'ai pas fait beaucoup de cardio. Fait que ça a un impact aussi en compétition, vous le voulez pas. Mais c'est positif tout ça, parce que je sais qu'après, ça va être extraordinaire, si mettons avec ma technique que je vais améliorer. Je sais que ça, c'est positif, ça va m'apporter beaucoup, beaucoup plus à faire. Je m'en fais pas pour ça, j'ai un entraîneur incroyable aussi. Donc, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, là. Fait que je suis vraiment prête. Cette année, c'est une année vraiment pour appliquer en compétition. Tu sais, Catherine, faut pas se décourager. Je prends l'exemple souvent de Cassandra Bradette. Cassandra Bradette, tu la connais comme moi, elle est de Saint-Félicien. Ça n'a pas toujours été facile à passer à un cheveu de tout simplement abandonner le patinage de vitesse. Puis là, tu connais aujourd'hui c'est l'équipe nationale. Peut-être pas de médaille, mais vraiment sur l'équipe nationale au même titre que Marianne. Donc, faut pas lâcher. T'as énormément de potentiel. Écoute, j'ai ça déjà à ton père quand ton père m'a appelé l'autre fois. Tu sais, c'est ses médailles aux Jeux du Québec il y a quelques années où qu'elle a dominé complètement les Jeux. À quelque part, le talent est encore là. Ouais. Je suis pas prêt d'abord. OK. Ben, Catherine, m'as-tu souhaité des joyeuses fêtes? Au moment où on enregistre l'entrevue, évidemment, on est à l'aube de Noël et l'entrevue va passer après Noël. Donc, je vais souhaiter quand même un joyeux Noël, une bonne année. Lâche pas parce qu'on est avec toi. Parce que quelque part, comme je viens de te dire, le potentiel est là. Il s'agit tout simplement de ne pas baisser les bras. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous. OK. Ben, Catherine, on s'en parle en 2016. Ouais. Catherine Mailloux de Saint-Félicien.